Je n'ai plus d'idole, je n'ai plus d'exemple. Mort avant le temps, il n'y a plus que des légendes. Je n'ai plus d'idole, je n'ai plus d'exemple. Je pourrais devenir de plus en plus connu quand l'anxiété ne prendra plus jamais le dessus. J'apprécie quand même plutôt bien le statut d'inconnu, mais toutes les restas d'aujourd'hui m'ont beaucoup trop déçu. Je veux prendre leur place car j'ai beaucoup mieux à faire. Parler de musique avant même de parler affaire. Pas de fusil, de crack ou de sang en l'air, ni de messages qui foutent les gosses en l'air. Exemple, exemple, légende, légende. Exemple, les gens s'exemplent sans exemple. Exemple, exemple, légende, légende. Exemple, les gens s'exemplent sans exemple. Besoin de calme dans toutes les banlieues car la jeunesse s'égare et finisse au placard. Reviennent au départ pour que la haine se prépare et se répète l'histoire en beaucoup plus noir. Écoutez-les, c'est mieux que les mortiers. Occupez-vous de tous ces jeunes du quartier. Ils demandent à l'aide et vous les punissez. Normal qu'après ce soit la guerre contre les policiers. Exemple, exemple, légende, légende. Exemple, les gens s'exemplent sans exemple. Exemple, exemple, légende, légende. Exemple, les gens s'exemplent sans exemple. Mais je me porte toujours un jugement méprisant, comme dégoûté des rêves ne se réalisant. Essayez de continuer tout en dédramatisant toutes ces étapes de la vie nous détruisant. Je regarde toujours les mêmes films depuis 10 ans, tout en espérant que certaines scènes changent. Et des musiques qui ont bercé toute mon enfance, que l'on comprend maintenant qu'on y trouve un sens. Exemple, exemple, légende, légende. Exemple, les gens s'exemplent sans exemple. Exemple, exemple, légende, légende. Exemple, les gens s'exemplent sans exemple. Et j'essaye de tuer le temps en fumant, de faire naître lumière en l'allumant, de vivre un peu mieux le moment même, ouais. En toussant le mal-être m'enfermant même, encore dans l'ancien temps comme à Montfermeil, où l'on me promettait petits monts et merveilles. Quand je pouvais encore m'accorder de rêver, en pensant vraiment que ça pouvait se réaliser. Exemple, exemple, légende, légende. Exemple, les gens s'exemplent sans exemple. Exemple, exemple, légende, légende.